Attention au départ. Attention les filles. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, je vais à Venise. Ah ouais? En train. Mais t'as pas de voiture? Ben non. Lors de la descente, on est gardé à intervalle entre le marchepied et le quai. Valencia Santa Lucia. En cherchant à donner aucun de pied à bord, je vous souhaite une bonne journée. Nous souhaitons un agréable voyage. Nous souhaitons un agréable voyage. Nous souhaitons un agréable voyage. Parcourir le monde, le sillonner en tous sens, ce ne sera jamais qu'en connaître quelques arpents, dont quelques détails nous resteront en mémoire. Ce seront peut-être trois enfants jouant au ballon sur une place de Venise, ou d'autres enfants encore, hilar, au retour de l'école, à faire des proutes avec la bouche, ou un gamin, plein de larmes, appelant sa maman. C'est inspiré d'un texte de Georges Perec. Dans Espèce d'espace. Et le lendemain... Saverio Damaïs, envoyé spécial à Venise Mestre, pour l'inauguration du festival de carnet de voyage Matite in Viaggio. Tandis que les discours viennent de prendre fin, je me tourne désormais vers Cendrine Bonami Redler pour connaître son point de vue sur cette exposition et notamment le travail de Xavier Jallet. Et le lendemain, artichaut, carciofo, betterave, barbabietola, persil, prezzemolo, salade, insalata, un cacchi, un capo, deux cacchi, due cacchi. Et après, et dopo, fruits et légumes sont sur un bateau. Et le lendemain, aujourd'hui, Katia nous emmène à Pellestrina, au sud de la lagune. Elle tente de négocier les billets de Vaporetto. Mais la vendeuse ne semble pas d'accord. E il lendemain. Ecco, questo è uno spaccato dei peli naturali, da quello che viene utilizzato per fare i lavori più massacranti a quello più raffinato. Oui, les questions de poils de pinceau et de scoiattolo. Scoiattolo. Scoiattolo. Allora, fuori il pelo e lo mettiamo dentro qui, in questo bussolotto. Cosa? Fuori, no, fuori così. Ah, così? Sì. E qua. Quindi, ok, sempre la punta. Et le lendemain, je voudrais savoir ce que tu fais. Qu'est-ce que tu regardes? Chut, pas trop fort, je suis ici à Padova en enquête spéciale top secrète. Je fais partie du front des bicyclettes indépendantes et j'enquête sur les vélos qui grincent. Et le lendemain, me voici désormais dans la basilique Saint-Antoine de Padoue, où le curé vient d'avouer, oui, mon vélo grince, car j'ai perdu mon tube de vaseline. Prions ensemble Saint-Antoine pour le retrouver. Et le lendemain, Piaggio et Pigeon à Chioggia. Et le lendemain. Buongiorno. Buongiorno. Un biglietto di vaporetto? Aujourd'hui, sì, dove devo andare? Vado solo all'Arsenale. Ok, all'altro allora l'Arsenale non riesce a andare. No. Perché oggi è sciopero. Sì. En attendant le vaporetto qui me ramène à Venise, un énorme bateau de croisière passe. E perché il sciopero? Per le maestre, per la scuola. Eux ne font jamais grève, malheureusement. Lei non sono precettata, certo. Se no non venivo. Buon coraggio. Grazie, salve. Ciao ciao. E il indomani, le lendemain. Bonjour madame. Bonjour, ça va? À Dijon, je vois sur une ardoise d'un bar. Ah oui. Ah oui. Spritz, 7,50€. Ouais, mais en fait, oh. Le fameux cocktail vénitien. 7,50€. Mais je presse pas trop celle-là. Ah. Non, là, toute celle-là, non. Vas-y. C'est pas ce que je préfère. Au revoir. Merci à Thomas et aux belles amitiés sonores.